بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد nous sommes arrivés aujourd'hui dans le dars au sujet de al-istisqa bil anwa et ça c'est un des points que le cheikh a mentionné cheikh al-Fawzan dans son livre parmi les points de ce qui fait partie du shirk et on a mentionné plusieurs points auparavant comme at-tanjim et beaucoup d'autres formes de shirk aussi. Et donc là, on arrive à cette partie qui est al-istisqa ou bil-anwa, c'est-à-dire de demander l'appui aux étoiles, de chercher l'appui auprès des étoiles. Et là, le shirk, il commence et il explique qu'est-ce que ça signifie, et puis il explique comment comment, de quelle façon c'était fait par les gens de al-jahiliya ou les gens avant l'islam. إلى إلكم سيدي الاستسقاء بالأنواع وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه على ما كانت الجاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو سقوطه في المغيب يؤثر في إنزال المطر. فيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وهم يريدون بذلك النجم ويعبرون عنه بالنوع وهو طلوع النجم من ناء ينوء إذا نهض وطلع فيقولون إذا طلع النجم الفلاني وينزل المطر والمراد بالأنواع عندهم منازل القمر الثمانية منازل القمر الثمانية والعشرون في كل ثلاث عشرة في كل ثلاثة عشر ليلة يغرب واحد منها عند طلوع الفجر ويطلع مقابله وتنقضي جميعها عند انقضاء السنة القمرية وتزعم العرب في جاهليتها أنه عند طلوع ذلك النجم في الفجر ومغيب مقابله ينزل المطر ويسمى ذلك الاستسقاء بالأنواء ومعنى ذلك نسبة السقيا إلى هذه الطوالع. Donc qu'est-ce que le cheikh a expliqué maintenant, c'est الاستسقاء بالأنواء, qu'est-ce que ça signifie, il a dit, c'est-à-dire c'est d'attribuer la pluie au lever d'une étoile ou à son coucher, comme le croyaient yani, les gens de Al-Jahiliya ou les gens de la période pré-islamique. Ils croyaient que le fait que les étoiles se levaient ou se couchaient, que ça avait un effet sur la tombée de la pluie. Alors ils disaient, aujourd'hui on a reçu de la pluie à cause de telle ou telle étoile. Alors, il voulait dire par ça donc les étoiles, à cause des étoiles. Donc, ils appelaient les étoiles un nau, et qu'est-ce que c'est un nau? C'est le lever d'une étoile, ou son coucher. Donc, il disait ça, et ça vient du verbe na'ayanu'u, c'est-à-dire lorsque l'étoile se lève et monte dans le ciel. Alors, il disait par exemple, lorsque telle étoile se lève, ou telle étoile descend, yani, voilà la pluie qui tombe, la pluie a tombé à cause de cette étoile. Donc, le cheikh, il explique encore, il dit que la signification de al-anwa', c'est-à-dire les positions des étoiles, ou la position des 28 étoiles. Il y a certaines étoiles en particulier dont il parlait. Il ne parlait pas de n'importe quelle étoile dans le ciel, mais de certaines étoiles en particulier. Et c'est des étoiles qui étaient déterminées, un nombre déterminé. Et donc, le chef, il mentionne qu'il y en avait 28 en particulier. Et à chaque 13 nuits, il y en avait une d'entre elles qui se levait et une qui se couchait. Alors, lorsqu'il y en a une qui se levait, il y en avait une autre qui se couchait en même temps. Il y en a le même matin et le soir, il y en a comme ça. Et lorsque l'année lunaire est terminée, alors toutes ces 28 étoiles avaient été passées. Donc les Arabes, dans la période pré-islamique, lorsque une étoile se levait à l'aube et qu'une autre se couchait, alors ils disaient que la pluie tombait. Et ils appelaient ça al-istisqa'u bil anwa', c'est-à-dire de chercher la pluie ou d'attribuer la pluie à une étoile. Et ça signifiait, et aller exactement ce que je viens d'expliquer, d'attribuer la pluie à ces étoiles qui se levaient. Après le cheikh il continue et il disait وهذا من اعتقاد الجاهلية الذي جاء الإسلام بإبطاله والنهي عنه لأن نزول المطر وانحباسه يرجع إلى إرادة الله وتقديره وحكمته وليس لطلوع النجم تأثير فيه قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معناه نسبة المطر الذي هو الرزق النازل من الله إلى النجم بأن يقال مطرنا بنوع كذا وكذا وهذا من أعظم الكذب والافتراء كما روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوع كذا وبنجم كذا وكذا. Donc le cheikh il dit, cette croyance, c'est la croyance des gens de l'ignorance de la période avant l'islam. Et l'islam est venu pour la détruire, cette croyance, et pour l'interdire. Parce que la tombée de la pluie, ou le fait que la pluie tombe ou ne tombe pas, ça n'a rien à voir avec les étoiles, mais ça a un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça retourne à Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que la pluie tombe ou qu'elle ne tombe pas selon sa volonté, selon sa détermination et selon sa sagesse. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'une étoile a eu une influence quelconque sur la tombée de la pluie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, non, je jure par la position des étoiles, et si vous saviez, c'est un très grand serment. C'est un noble Coran, dans un livre préservé, que nul ne touche excepté les purs, et c'est une révélation du Seigneur des mondes. Est-ce que c'est cette parole que vous traitez de mensonge? Vous faites de votre risque une cause de votre mécréance ou de votre une cause de ce que vous traitez de mensonge. Et le cheikh il dit, en ce qui concerne la parole d'Allah, et vous faites de votre risque une des causes de votre mensonge, ou du fait que vous traitez la parole d'Allah de mensonge, il dit qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie d'attribuer l'appui, qui est le risque, la subsistance qui vient d'Allah, c'est-à-dire qu'on l'attribue, au lieu de l'attribuer, cette pluie-là qui est une subsistance qui vient d'Allah, on l'attribue aux étoiles, au lieu de l'attribuer à celui qui nous l'a fait tomber, c'est-à-dire Allah. C'est-à-dire on dit, telle ou telle étoile a fait tomber la pluie. Et il dit ça fait partie des plus grandes formes de mensonges et d'inventions mensongères. Donc après le cheikh il dit, et l'imam Ahmad et At-Tirmidhi, l'imam Ahmad a rapporté un hadith, il dit, et aussi l'imam At-Tirmidhi et Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim et Abdiya dans Al-Mukhtara, dans un livre qui s'appelle Al-Mukhtara, selon Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, c'est-à-dire votre reconnaissance, vous faites de votre risque, yani votre reconnaissance, une cause pour votre mécréance. يعني تقولون مطرنا بنوع كذا وبنجم كذا, c'est-à-dire vous dites on a eu la pluie à cause de telle ou telle étoile, et donc ça c'est la cause, vous faites de votre d'une subsistance qu'Allah vous a donnée, vous en faites une cause pour traiter de mensonge la miséricorde et le bienfait d'Allah. Donc au lieu d'être reconnaissant et de dire à Allah merci pour la pluie et de reconnaître que cette pluie vient d'Allah, et bien vous faites de ça une cause de votre, et vous traitez, vous rejetez les miséricordes d'Allah et vous dites c'est pas d'Allah que ça vient mais c'est des étoiles. Après le cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah dit, وهذا أولى ما فسرت به الآية وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم وهو قول جمهور المفسرين انتهى. دي إساء الشيخ عبد الرحمن بن حسن كي التفسير للإمام محمد عبد الوهاب كي أكتكي لليف كتاب التوحيد دونك شرح فتح المجيد الذي إساء في qu'est-ce qui est de mieux en ce qui concerne l'interprétation de ce verset. Et cette interprétation a été rapportée par Ali et Ibn Abbas, et Qatada, et Abdahak, et Atta al-Khurasani, et beaucoup d'autres. Et c'est l'interprétation qui est rapportée par la grande majorité des savants de tafsir. Et selon Abi Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. Donc le cheikh il dit après, rapporté selon Malik al-Ash'ari, رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il y a quatre choses dans ma umma qui vont pas être abandonnées par tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont continuer à les faire même si elles font partie des choses du temps pré-islamique ou de l'ignorance. La première de ces quatre choses, c'est al-fakhru bil-ahsab, c'est-à-dire de prendre de la fierté pour ses ancêtres, pour ses pères. C'est comme par exemple si on dit, si une personne dit, moi je suis meilleur que quelqu'un d'autre parce que je suis le descendant de telle ou telle personne, et parmi mes ancêtres, il y avait tel ou tel homme, et donc à cause de ça, je suis meilleur qu'un autre. Hein? Mais bien entendu, ça c'est complètement faux et c'est complètement rejeté dans l'islam parce que on sait très bien que quelqu'un, la seule chose qui rend quelqu'un noble et la seule chose qui rend quelqu'un meilleur que l'autre, c'est at-taqwa, c'est-à-dire la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous c'est le plus pieux. Et donc ça n'a rien à voir avec votre couleur ou votre origine, c'est-à-dire vos parents et vos grands-parents ou la noblesse de votre lignage, ou lineage comme on dit en anglais, ou bien al-ahsab comme le prophète a dit dans ce hadith, de se vanter de ses ancêtres. C'est comme ça beaucoup de gens par exemple parmi les gens d'aujourd'hui, ils disent ah ben moi mon grand-père était un imam, mon grand-père était ici, mon grand-père était ça. Et puis eux, ils sont des gens qui ne respectent même pas les règles de l'islam. Alors le prophète, il vient pour dire que ça, c'est des aspects de l'al-jahiliya. Et aussi, il faut comprendre que le fait que notre ancêtre était pieux, ça ne sert à rien si nous-mêmes, on n'est pas pieux. C'est pour ça qu'en arabe, il y a une parole, un dicton qu'on dit « Laysa al-fata man yaqulu kana abi » وَلَكِنَّهُ مَنْ يَقُولُ هَا أَنَذَا. C'est-à-dire, la personne qui est correcte, c'est pas celle qui dit « mon père était telle ou telle personne », mais la personne qui est correcte, c'est celle qui dit « voici moi, voici ce que j'ai fait ». C'est-à-dire, c'est ce qui compte, c'est ce que toi t'as fait. Et non ce que ton arrière ou ton arrière-arrière-grand-père a fait, parce que chaque personne va être jugée pour ce qu'elle a fait elle-même. Et le fait qu'une personne a fait quelque chose de bon, mais ça ne va rien apporter à quelqu'un qui lui-même n'a rien fait pour lui-même. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith, comme deuxième chose, « At-ta'nu fil ansab ». Mais « At-ta'nu fil ansab », c'est quoi? C'est de nier la... Comment on appelle ça dans la langue française? La généalogie d'une personne. Il y a une idée de traiter de mensonge la généalogie d'une personne ou de nier ses pères, qui étaient ses ancêtres. Ou bien d'essayer de les insulter ou de dire une chose pareille. Comme en disant par exemple, toi, c'est pas descendant de telle personne, c'est pas comme tu essaies de venir cette chose là, ça s'appelle at-ta'nu fil ansab, c'est de calomnier une personne en traitant de mensonge son arbre généalogique. Après, la troisième chose, c'est al-istisqa'u bin nujum, c'est-à-dire de chercher la pluie par les étoiles. Et ça, c'est une des choses qui fait partie des choses de al-jahiliya, de l'ignorance. D'attribuer la pluie aux étoiles, ou bien de chercher la pluie des étoiles, ou de quelque chose de ce genre, comme on l'a déjà expliqué. Et comme quatrième chose, le cheikh il mentionne al-niyaha. Et al-niyaha, qu'est-ce que c'est? Quand une personne meurt, eh ben, c'est de faire des complaintes, puis de crier, puis de faire des cris, puis des pleurs. Et pourquoi c'est quelque chose de mal et ça fait partie du jahiliya? C'est parce que si une personne réagit de cette façon, c'est comme si elle n'a pas accepté la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle démontre une certaine insatisfaction de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si elle n'accepte pas que Allah a prédestiné la mort pour une telle personne. Alors elle pleure et elle crie et elle réagit de cette façon complètement irrationnelle et illogique et incorrecte selon l'islam. Comme si le fait qu'elle pleure ou qu'elle crie, ça allait faire quelque chose de plus ou que ça allait ramener la personne ou quoi que ce soit. Puis bien entendu, on sait que ça ne va rien ajouter, ça ne va rien ramener à la personne, et au contraire même, ça peut même causer que la personne se fasse chasser dans, en plus dans sa tombe. Donc il est préférable, bien sûr, de toujours laisser tomber ces attitudes qui font partie des attributs de l'ignorance, de rester dans les limites de l'islam et de la sunna. Donc le cheikh, après avoir mentionné ce hadith, il dit qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par al-jahiliya dans ce hadith, et quand il mentionne al-jahiliya en général, c'est la période avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et après le cheikh il dit, tout ce qui contredit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, alors ça fait partie de l'ignorance ou al-jahiliya. Et après il cite les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans lesquelles il dit, يعني شيخ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الحديث أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذما لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فإن ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. انتهى كلامه رحمه الله. Donc après le chef il mentionne la citation de l'imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans le hadith, et il dit que yani le chef a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que certaines des affaires de l'ignorance de la période pré-islamique ne seront pas délaissées par tout le monde, c'est-à-dire il y aura toujours un groupe parmi les musulmans qui vont continuer à les faire. Et ça, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il a attribué ça à l'ignorance pour blâmer la personne qui ne les laisse pas. Yani il faut blâmer la personne qui laisse pas tomber ses pratiques. Ok? Et ça implique que tout acte ou toute chose qui fait partie de al-jahiliya est blâmée dans l'islam. C'est une chose qui est blâmable dans l'islam. Et si ce n'était pas ainsi, c'est-à-dire si ce n'était pas une chose blâmable dans l'islam, alors il y aurait le fait d'avoir attribué ça à la période de l'ignorance n'aurait pas été un blâme. Mais on sait très bien que lorsqu'on attribue quelque chose à al-jahiliya, ou on dit qu'une chose appartient à al-jahiliya, ou que ça fait partie de al-jahiliya, on sait automatiquement que ça vient pour être un blâme. Lorsque, comme exemple, le chef il dit, par exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit aux femmes, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. C'est-à-dire, et ne vous exhibez pas de la façon que les femmes s'exhibaient au temps de al-jahiliya, c'est-à-dire au temps de la première jahiliya. Et qu'est-ce que ça signifie tabarruj al-jahiliya, ou l'exhibition du temps de pré-islamique, hein, au temps pré-islamique ou au temps de l'ignorance? C'est qu'est-ce que les femmes faisaient par rapport, yani avant la venue de l'islam et avant la venue du hijab, les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles sortaient dans la rue, elles avaient une façon de s'habiller qui exhibait leur charme, c'est-à-dire elles montraient leur poitrine, elles montraient leur cou, elles faisaient paraître leurs bijoux, elles portaient des vêtements qui étaient yani étroits ou qui étaient vraiment minces, d'une certaine façon qu'on soit capable de voir un peu en dessous, ou bien elles portaient yani du parfum lorsqu'elles sortaient en public pour que les hommes prennent leur odeur, ou bien yani elle avait une certaine démarche qui faisait quand elle marchait, elle bougeait d'une certaine façon pour faire les hommes remarquer leur corps, ou bien aussi elles avaient certains bijoux qu'elles portaient, comme par exemple elles portaient al-khilkhal, comme Allah SWT dit dans, par exemple dans l'ayat, voilà yabribna bi arjulihinna, parce que les femmes, ça veut dire qu'elles ne croient pas avec leurs pieds, pour qu'on sache qu'est-ce qu'elles cachent de parure, parce que les femmes, à cette époque-là, elles portaient dans leurs pieds un certain bracelet dans leur cheville, qu'on appelle al-khilkhal, et ce bracelet qu'elles portaient dans leurs pieds, eh ben, il faisait un bruit lorsqu'elles marchaient, et elles faisaient exprès pour frapper leurs pieds, pour faire justement résonner ce bijou qu'elles portaient pour attirer l'attention des hommes. Donc il y a beaucoup de choses comme ça de ce genre que les femmes faisaient à l'époque pré-islamique, et Allah a blâmé ces pratiques-là en les appelant des suspects de al-jahiliya. Donc, bien entendu, dans la Ummah, il y a toujours des musulmans qui vont avoir des aspects de al-jahiliya, certains aspects de al-jahiliya, comme par exemple, il est arrivé une fois que un des sahaba a dit à Bilal ibn Rabah, qui était un noir de l'Éthiopie, alors il a été de l'insulter en l'insultant, en l'appelant par sa mère, et en disant par exemple, oh toi fils de la noire, ou fils de la femme noire, mais en lui disant ça d'une façon pour l'insulter, yani. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sahabi qui lui a dit ça, il lui a dit, toi tu es une personne qui a encore de l'ignorance en elle, inna kamra'un fika jahiliya, tu es une personne qui a encore de l'ignorance, yani fika jahiliya, il y a en toi du jahiliya. Donc, le sahabi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, il a mis sa tête, son visage par terre, et il a dit à Bilal, et à Bilal, mets ton pied sur ma face. Et parce qu'il s'est senti tellement coupable, tellement mal, il a compris qu'est-ce qu'il avait fait de mal. Alors, pour se racheter, pour demander excuse au sahabi d'avoir dit une parole comme ça, il a demandé à Bilal de mettre son pied sur son visage. Donc, ça nous montre la sincérité des Sahaba, dans yani, le fait que automatiquement lorsqu'ils entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam une critique ou un blâme, et bien automatiquement ils se repentaient, ils demandaient pardon et ils essayaient de se racheter pour le mal qu'ils avaient fait. Mais bien entendu, il y a certains écrivains aujourd'hui, des auteurs contemporains qui ont écrit des livres et qui ont appelé les sociétés musulmanes aujourd'hui comme étant, ils les ont traités de sociétés jahiliya, ou en disant comme par exemple, on vit dans une période de jahiliya et que les pays musulmans sont des pays de jahiliya. Et ça, les ulama, ils ont critiqué ça. Et parmi eux, yani, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, l'a critiqué le fait que on a appelé les sociétés jahiliya, parce que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jugement dernier, il n'y aura jamais une jahiliya complète, totale, comme il y en avait avant l'islam. Parce que le Coran existe, la Sunna existe, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq. Donc il y aura toujours un groupe de la umma qui va être sur la vérité. Donc on ne peut pas dire qu'il y aura une jahiliya après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que on ne peut pas décrire non plus la société musulmane actuelle comme étant jahiliya. Pourquoi? Parce que dans les pays musulmans, même s'il existe des péchés, même s'il existe toutes sortes de contradictions avec l'islam, mais il y a toujours quand même des musulmans, il y a toujours des mosquées, il y a toujours des gens qui adorent Allah et qui respectent l'islam et qui suivent la compréhension correcte des salaf et qui connaissent le tawhid et qui font le da'wah ila Allah. Alors on n'a pas le droit d'appliquer cette cette description de dire que les musulmans sont, ou les gens actuellement sont dans le jahiliya. Et en fait, le fait de décrire les sociétés musulmanes comme étant des sociétés de jahiliya aujourd'hui, ça équivaut exactement à les déclarer comme étant des sociétés mécréantes. Et en réalité, c'est ce que ces gens-là avaient l'intention de faire, et c'est ce qu'ils ont fait, Yanni, et le but de ça, c'était exactement le but de déclarer les sociétés musulmanes comme étant des sociétés mécréantes pour se permettre d'attaquer les musulmans et les gouvernements musulmans et de prendre les armes contre eux pour se permettre des actes, des attentats terroristes et des choses de ce genre. Mais alhamdoulilah, les musulmans ont, les ulama ont répondu à ces choubouhats et ont clarifié la situation. Non. Donc, on va continuer. Maintenant, les paroles du Cheikh. Il dit le Cheikh, وقوله في هذا الحديث والاستسقاء بالنجوم معناه نسبة المطر إلى النوم وهو سقوط النجم بأن يقول مطرنا بالنجم كذا وكذا. Donc, il dit que l'interprétation dans ce hadith au sujet de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'istisqa' bin nujum, c'est-à-dire de demander la pluie aux étoiles, ça signifie d'attribuer aussi la pluie aux étoiles, c'est-à-dire d'attribuer que la pluie tombe à cause des étoiles, ou que c'est les étoiles qui ont fait tomber la pluie. Et, wa huwa sukut najm, aussi c'est la tombée de l'étoile. Et il dit, bi an yakul mutirna bi najmi kala wa kala, c'est-à-dire, on a eu la pluie à cause de telle étoile. وحكم الاستسقاء بالأنواع أنه إن كان يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهو شرك وكفر أكبر. وهو كالذي يعتقده أهل الجاهلية وإن كان لا يعتقد للنجم تأثيرا وأن المؤثر هو الله وحده ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر ويكون من الشرك الأصغر لأنه يحرم نسبة المطر إلى النجم ولو على سبيل المجاز سدا للذريعة. Donc le Cheikh, maintenant il explique le verdict de l'islam au sujet de cette histoire ou de ce problème d'attribuer la pluie aux étoiles. Et il explique le hukum, et il explique que le hukum se divise en deux. Et pour résumer un peu, pour expliquer un peu la position, ou pour clarifier la position de l'islam à ce sujet, je vais donner le résumé, ou bien je vais déclarer ça, et après je vais traduire les paroles du Cheikh. Donc, lorsque quelqu'un dit, par exemple, nous avons reçu la pluie, donc, je recommence, je dis, lorsqu'une personne dit, la pluie est tombée à cause de telle ou telle étoile, il y a deux possibilités. Soit que la personne qui le dit croit vraiment que c'est cette étoile qui a causé la tombée de la pluie, et dans ce cas-là, c'est kufr akbar, c'est-à-dire la personne qui dit ça, elle est en dehors de l'islam, parce qu'elle a cru qu'il y a un autre qu'Allah qui contrôle quelque chose dans l'univers, et donc ça c'est kufr. Parce qu'il n'y a seulement qu'un créateur, il n'y a seulement qu'un maître de tout l'univers, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui puisse produire dans l'univers excepté par sa volonté et par ce qu'il a prédestiné. Ou bien, si ça c'est la première possibilité, la deuxième possibilité, c'est que la personne dit « la pluie est tombée à cause de telle ou telle étoile », mais il le dit, mais il, au fond de son cœur, il sait que c'est Allah qui a destiné ça. Et il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la pluie, sauf que il l'a dit juste par une sorte d'habitude ou parce que c'est quelque chose qui est une sorte de qui est répété tout le temps dans sa société et que tout le monde dit. Mais même si il le répète, hein, au fond de lui-même, il n'y croit pas. Il croit que c'est Allah qui dirige tout, mais il n'a pas dit au sens que c'est l'étoile qui a contrôlé quoi que ce soit, ou qui a eu un effet sur ça, mais juste par habitude ou par parce que c'est quelque chose qu'il a dit de cette façon sans vraiment y croire, alors dans ce cas-là, c'est pas Kufr Akbar, c'est-à-dire qu'il ne va pas être en dehors de l'islam parce qu'il a dit ça, mais c'est quand même haram et ça fait partie du shirk asrar, c'est-à-dire que c'est un shirk qui ne fait pas sortir de l'islam, mais que si quelqu'un continue à le faire, ça peut l'amener à sortir de l'islam et à tomber dans un shirk qui est plus grave ou qui est majeur et à quitter l'islam. Donc maintenant je vais traduire les paroles du chef et il dit que le verdict au sujet de l'attribution de la pluie aux étoiles, c'est que s'il croit que l'étoile a un effet dans la tombée de la pluie, alors ça c'est un shirk et un kufr majeur. Et c'est ce que les gens de l'ignorance ou de la période pré-islamique croyaient. Et si ils ne croient pas que l'étoile a une influence dans la tombée de la pluie et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul qui fait tomber la pluie, excepté que à cause de l'habitude ou la tradition ou la coutume, yani, on a l'habitude de voir que lorsqu'une telle étoile tombe, la pluie tombe en même temps, alors dans ce cas-là, on n'arrive pas à un niveau de kufr majeur, de shirk majeur, mais c'est quand même une forme de shirk mineur qui peut et il dit et c'est interdit d'attribuer la pluie à une étoile, même pour le dire dans un sens symbolique, pour complètement fermer la porte à toute mauvaise conception qui pourrait nous faire dévier de la compréhension correcte de l'islam. Donc, si on a bien compris ça, alhamdoulilah, yani, tout devient clair, inshallah. Parce que pourquoi? Parce que on sait très bien que il n'y a aucun lien entre les étoiles et la tombée de la pluie. Ce n'est pas les étoiles qui contrôlent la tombée de la pluie, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on avait expliqué ça plus tôt dans d'autres cours précédents, que lorsqu'on attribue à quelque chose, ou lorsqu'on fait de quelque chose une cause, alors qu'elle n'est pas une cause réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui prouve que c'est une cause au sens réel, alors dans ce cas-là, ça devient une forme de shirk asrar. C'est comme par exemple de croire que de porter un talisman va être une cause de guérison pour notre maladie. Donc ça, on a parlé de ça lorsqu'on a parlé de Tahliq al-Tama'im, du talisman, et lorsqu'on a parlé aussi de des choses qu'on accroche pour essayer d'éloigner l'ain ou le mauvais œil ou des choses de ce genre. Donc si on attribue à quelque chose une cause, alors qu'en réalité elle n'est pas une cause réelle, hein, et comment on fait pour savoir que quelque chose est une cause réelle? Eh bien c'est par l'expérimentation. Donc lorsqu'on a fait une expérimentation, et qu'après plusieurs reprises, qu'on a refait toujours la même expérience et que les mêmes choses se produisent, donc on peut établir que une chose est une cause réelle, ok, mais lorsque on n'a pas expérimenté la chose et qu'on ne peut pas prouver que quelque chose est une cause réelle dans une réaction, alors dans ce cas-là, de l'attribuer sans preuve, c'est-à-dire sans preuve du Coran et de la Sunna, et sans preuve de la réalité de la vie, et dans ce cas-là, si on l'attribue sans preuve, alors ça devient un moyen qui nous amène à tomber dans un shirk al-asrar, c'est-à-dire un shirk mineur. Donc, ça c'est l'explication. Mais, comme le shirk l'explique maintenant, c'est comme, il ne faut pas comprendre non plus que c'est seulement la question des étoiles. Là, le cheikh a donné cet exemple, parce que ça fait partie des exemples qui sont mentionnés dans les hadiths et tout ça, sauf que ça pourrait être un exemple au sujet de n'importe quelle autre chose qu'on peut attribuer comme cause, comme cause à autre que les étoiles, par exemple. Je sais pas, moi, quelqu'un pourrait croire que lorsque la lune est rouge, un enfant va naître. Mais est-ce qu'il y a un lien entre la lune, la couleur de la lune et la naissance d'un enfant? Bien entendu, il n'y a pas de naissance. Il n'y a pas de rapport. Donc, ce serait un peu un exemple, mais on pourrait dire aussi beaucoup d'autres choses de ce genre. Mais, c'est aussi de comprendre que, par exemple, comme on a parlé aussi plusieurs fois des athées, par exemple, ou des matérialistes qui attribuent à la nature une certaine force, ou qui attribuent à la matière une certaine volonté ou une certaine force d'avoir un pouvoir ou une capacité de se former ou de se transformer d'elle-même ou d'agir d'elle-même ou de pouvoir être une cause dans ce qui se produit dans la création. Et donc, par exemple, de dire, comment je pourrais dire, la pluie tombe à cause de la nature. C'est prévu la pluie et la nature. Pourquoi la pluie tombe? Parce que c'est la nature qui fait tomber la pluie. C'est pas la nature qui fait tomber la pluie, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait tomber la pluie. C'est Allah qui contrôle ça. Et comme par exemple ceux qui attribuent, on va en parler, le chef il a donné l'exemple, donc je ne vais pas le mentionner tout de suite. Pour terminer, on va expliquer le hadith que le chef a mentionné. Il dit, وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ زَيْدٍ بْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عباد مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Okay, donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour nous la prière de Subh, c'est-à-dire la prière de l'aube, à un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah, après une nuit de pluie. Cette nuit-là, il y avait eu de la pluie. Voilà, entre As-Sama, on appelle la pluie As-Sama. Et en fait, on a, dans la langue arabe, toute chose qui est en haut de nous, eh bien, on a l'habitude d'appeler ça Sama. Toute chose qui est au-dessus de nous, on appelle ça Sama. Donc la pluie, on appelle ça Sama. Donc, le hadith a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié à la prière de l'aube et que cette nuit-là il y avait eu de la pluie. Lorsque les gens se sont dispersés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu devant les gens et il a dit, avant qu'ils se dispersent, il a dit: est-ce que vous savez ce que votre Seigneur a dit? Alors ils ont dit: Allah est ton messager, c'est mieux. Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: il y a parmi mes serviteurs qui se sont réveillés croyant en moi et mécréants. En ce qui concerne ceux qui se sont réveillés et qui ont dit: nous avons eu de la pluie par la miséricorde, par le bienfait et la miséricorde d'Allah, alors ceux-là sont croyants en moi ou mécréants en les étoiles, c'est-à-dire ils ont rejeté la croyance aux étoiles. Mais en ce qui concerne celui qui a dit, nous avons eu de la pluie à cause de telle ou telle étoile, alors celui-là, il est mécréant en moi et il a cru aux étoiles. Donc, le prophète, ça c'est un hadith Qudsi. C'est un hadith Qudsi rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Okay. Et donc, le hadith Al-Qudsi, c'est quoi? C'est le hadith qui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte les paroles d'Allah dans ses propres mots. Il y a la différence entre Al-Qur'an et Al-Hadith Al-Qudsi. C'est que le Qur'an, c'est des paroles d'Allah dans les mots d'Allah. Et le Qur'an, c'est Al-Hadith Al-Qudsi. C'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les mots. Non, le hadith al-Qudsi, c'est les paroles d'Allah dans les mots du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le Coran, c'est les paroles d'Allah dans les mots que Allah a choisi lui-même. Alors, le cheikh il dit, فَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا بِي وَكَافِرٌ وَفَسَّرَ الْمُؤْمِنُ بِأَنَّهُ الَّذِي يُنْسِبُ الْمَطَرْ إِلَى فَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وفسر الكافر بأنه الذي ينسب المطر إلى الكوكب وهذا فيه دليل على أنه لا تجوز نسبة أفعال الله إلى غيره وأن ذلك كفر فإن اعتقد أن للكواكب تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر لأنه إشراك في الربوبية والمشرك كافر وإن لم يعتقد أن للكواكب تأثيرا في إنزال المطر وإنما نسبه إليها مجازا فهذا محرم وهو من الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره. Donc le cheikh il dit, il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, il y en a parmi mes serviteurs, il cite les paroles d'Allah, il dit, il y en a parmi mes serviteurs qui se sont levés, croyant en moi et mécréants. Alors, il a expliqué que les croyants, ce sont ceux qui ont attribué la pluie à la miséricorde et au bienfait d'Allah, et il a expliqué que le mécréant, c'est celui qui a attribué la tombée de la pluie aux étoiles. Et le cheikh dit, et il y a une preuve dans ça, que d'attribuer la pluie, ou d'attribuer les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un acte de kufr. Et s'il croit que les étoiles ont un effet, ou une influence sur la tombée de la pluie, alors ça c'est un acte de mécréance majeure. C'est une mécréance majeure. Mais si il croit, et c'est une forme de shirk aussi, dans Ar-Rububiyya, dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que, bien entendu, le mushrik, c'est un mécréant. Et s'il ne croit pas que les étoiles ont un effet dans la tombée de la pluie, mais il a seulement attribué d'une façon symbolique, alors dans ce cas-là, c'est une chose qu'il a fait qui est interdite. C'est haram. Et ça rentre pas, et ça ne le fait pas sortir de l'islam, sauf que c'est une chose qui peut le faire tomber dans un shirk majeur, mais par contre c'est seulement un shirk, c'est uniquement un shirk mineur et non un shirk majeur. Pourquoi? Parce qu'il a attribué la miséricorde d'Allah à autre que Allah. Après, il mentionne la parole de l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, et il dit, وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لأن لا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. Donc le cheikh il mentionne la parole de l'imam Al-Qurtubi et il dit, les Arabes lorsqu'une étoile se levait de l'Orient, ou qu'elle se elle tombait, elle se couchait de l'Occident, à l'Occident, et qu'il y avait à cette occasion-là de la pluie ou un vent, alors parmi eux il y en avait qui attribuaient la pluie à cette étoile qui se levait, et d'autres qui l'attribuaient à celle qui se couchait. Mais ils l'attribuaient d'une façon de croire que c'était cette étoile qui faisait que la pluie se produise, et que c'est la pluie que c'est l'étoile qui le faisait se produire ou qui l'avait créé cette pluie. Et il disait cette parole comme celle qui est mentionnée dans ce hadith qu'on vient de mentionner. Alors il dit que Allah nous a interdit d'attribuer une telle parole, de dire une telle parole, pour pas que personne ne croit la même croyance que les mushrikin, et pour pas non plus qu'on les imite dans leur façon de parler. C'est-à-dire qu'on les imite dans leur façon de parler, même si on ne croit pas réellement en cette parole. C'est-à-dire même si on n'y croit pas, on n'a pas le droit de répéter cette parole, parce que c'est une parole des mushrikin, et que ça implique une croyance qui est fausse. Ok, donc après ça, le cheikh il mentionne la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit: وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي سَبَبِ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ الْآيَةِ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ. Pardon, ce n'est pas les paroles du prophète, les paroles d'Ibn Abbas qu'il a rapportées dans Sahih Muslim, dans l'explication de la cause de la révélation du verset « Non, je jure par la position des étoiles » qui est dans Surat Al-Waqi'a, le verset 75 jusqu'à 82. Ibn Abbas dit « قَالَ بَعْدُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا » فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Donc, Ibn Abbas il dit que lorsque certains d'entre les Arabes ont dit, ou certains d'entre les gens ont dit, la telle ou telle étoile a dit vrai, alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le verset, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Non, je jure par la position des étoiles. Et donc, ce verset-là, il venait pour répondre aux gens qui avaient dit, par exemple, les étoiles ont dit vrai. Après, le cheikh, il dit, فَإِنْزَالُ الْمَطَرْ مِنَ اللَّهِ وَبِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ لا دخل لمخلوق فيه كما قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فمن نسب إنزال المطر إلى الكواكب أو إلى الظواهر الطبيعية كالانخفاض الجوي أو المناخ فقد كذب وافترى وهذا شرك أكبر وإن كان يعتقد أن المنزل هو الله ولكن نسبه إلى هذه الأشياء من باب المجاز فهذا حرام وكفر أصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غير الله كالذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا وما أكثر التساهل في هذا الأمر على ألسنة بعض الصحفيين والإعلاميين فيجب على المسلم أن يتنبه لهذا والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc le cheikh il explique, pour terminer, il dit: et la tombée de la pluie, c'est ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est uniquement par sa force et sa permission et qu'est-ce qu'il permet de se produire dans l'univers. Et ça n'a rien à voir avec yani une créature. Yani, c'est-à-dire, c'est pas une créature qui fait que ça se produit, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le crée. Et pour expliquer ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, dans Sourate Al-Waqi'a, أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ Avez-vous vu l'eau que vous buvez? Est-ce que c'est nous, n'est-ce pas nous qui le faisons tomber du ciel ou du nuage? Ou est-ce que c'est vous qui le faites descendre? Et bien, en voulant dire que c'est Allah, il nous pose cette question en réalité pour exprimer un certain rejet du fait que ces gens-là, ils boivent l'eau qu'Allah fait descendre et ils refusent de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'attribuent à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, soit à la nature ou soit à autre chose de ce genre. Alors le cheikh il dit, celui qui attribue la tombée de la pluie aux étoiles ou à autre chose parmi les choses de la nature, les forces de la nature comme il l'appelle. Alors, comme par exemple, il mentionne l'exemple de la pression atmosphérique ou des choses de ce genre-là. Alors, celui-là, il a menti, il a inventé un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on sait tous que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait produire la pluie, qui fait tomber la pluie, et non uniquement une pression atmosphérique. D'accord? Et il y a la même chose pour, on peut dire la même chose pour les tremblements de terre et pour les ouragans, les tornades, comme les poufars, yani, essaient d'attribuer ça à des causes naturelles, mais ils essaient de nier que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout ce qui se passe dans la nature, dans l'univers. Alors que, yani, celui qui croit que ces choses-là se font par elles-mêmes, que c'est la nature, yani, qui les fait, et non Allah subhanahu wa ta'ala, alors bien entendu, c'est une forme de coffre. Et le shirk, comme on l'a compris aussi, et c'est ce que le shirk dit ici, il dit ça, celui qui croit ça, c'est un mensonge, c'est une invention. Et c'est un shirk akbar, un shirk majeur. Mais s'il croit que celui qui le fait descendre, la pluie, c'est Allah, sauf qu'il attribue ces choses-là à autre que Allah d'une façon symbolique, alors c'est une parole qu'il a dit qui est haram, comme par exemple, il a dit une parole qui est complètement interdite parce qu'il a attribué la pluie à autre qu'Allah. Mais étant donné qu'il ne croit pas, qu'il croit que c'est vraiment Allah parce qu'il le dit d'une façon symbolique, alors dans ce cas-là, il a fait un kufr et un shirk asrar. Parce qu'il a attribué la pluie à... Au lieu d'attribuer la miséricorde d'Allah à Allah, il a attribué la miséricorde à autre qu'Allah. Et comme c'est exactement pareil à celui qui dit « on a eu de la pluie à cause de telle ou telle étoile ». Et le cheikh il mentionne aussi l'exemple de la négligence de beaucoup de personnes, parmi les journalistes et parmi les météorologues par exemple, que lorsqu'ils annoncent de la pluie ou qu'ils parlent de la tombée de la pluie ou des choses de ce genre, ben ils disent toujours par exemple « on va avoir de la pluie ». Il va avoir de la pluie à cause de la pression atmosphérique ou à cause de telle ou telle chose, mais il refuse d'attribuer ça à Allah en disant par exemple par la grâce d'Allah, nous allons avoir Inch'Allah de la pluie demain qui va tomber sur nous. Eux ils disent, au lieu de dire ça, ils disent la nature va faire que la... En fait, ils disent même pas la nature, ils disent par exemple, la pression atmosphérique va faire amener beaucoup de pluie et les vents de l'ouest qui soufflent vont faire que beaucoup de pluie vont tomber sur nous, ainsi et ça. Alors, ils refusent et ils acceptent pas de remercier Allah et d'attribuer la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils l'attribuent à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien ils refusent aussi de dire Inch'Allah quand ils annoncent de la pluie pour le lendemain. Alors on sait que ça c'est une forme de parole qui est contraire à la vérité. Et le cheikh il dit, il est obligatoire à un musulman de faire attention à ces choses-là. Et c'est évident que si un journaliste ou un météorologue ou quelqu'un de ce genre-là est musulman, eh bien il doit essayer d'appliquer cette aqida dans son travail, dans sa façon d'annoncer la météo, contrairement aux météorologues kuffars, yani, qui n'ont pas une aqida. Hein. Donc, on va terminer avec ça, inshallah, pour aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين